Le groupe Belloussi, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Top Chrono, Top Chrono. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono Weekend. Après pratiquement, on va dire, 40 minutes de musique, eh bien, on va passer une heure et demie de sport. Vous allez voir ce soir, il va y en avoir pour tous les goûts. Toute l'équipe est au grand complet, mais toujours dans une émission de sport. Il faut savoir si les techniciens ont mis des baskets. Et on va commencer, bien sûr, comme il se doit, par le charme féminin de Monique. Bonsoir, Monique. Salut, Fred. Salut, l'équipe. Juste à nos côtés, ben, c'est Gilles, Gilles qu'on retrouve avec nous dans les directs. Gilles, l'incontournable Monsieur Bouton. Bonsoir, comment tu vas, Gilles ? Bonsoir tout le monde, ça va très bien. Et avec moi, ben, on a juste à mes côtés, il vient juste d'arriver, c'est Monsieur Football. On va lui demander comment il va, Henri. Ça va très bien. Alors Henri, encore une fois, ce soir, pensez bien à parler dans le micro. Avec nous, Bibip. Hello, bonjour. Ouais, déjà par le français, au moins comme ça on va s'en sortir. Mais voilà, vous tout êtes. Tout à fait, oui, c'est très appétissant, non? Ça c'est l'équipe de Top Chrono. Ce soir avec nous aussi est tout nouveau. Avant de voir bien sûr l'incontournable Jean-Yves, ça sera Ludo Titeux, pour ceux qui ne connaissent pas. J'en ai qui connaissent beaucoup. Bonsoir Ludo. Ludo, spécialiste du 13, hein, il viendra avec nous. Orienté un petit peu sur les directs et sur les stades pour pouvoir commenter du rugby à 13. Comment tu vas, Ludo ? Ça va impeccable, merci, bonsoir à tous. Ouais, bienvenue bonsoir. Dans l'équipe de Top Chrono et surtout dans l'équipe des sports pour cette première saison, ces premières caps pour toi dans la radio. Eh bien, écoutez, je suis ravi et très content de faire partie de l'équipe et j'espère que je pourrai apporter des analyses précises et faire avancer le sport à 13 et aux côtés de Jean-Yves, mon métronome. Ouais, on va le retrouver tout à l'heure, bien sûr, en fin d'émission, vous comprendrez pourquoi. Jean-Yves, comment tu vas? Comment t'as passé ce week-end, surtout? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais très bien, Fred. J'ai passé un excellent week-end, en partie avec toi. J'ai l'impression qu'on se quitte plus. Et l'autre part, et l'autre côté soleil, côté cœur, mais c'est Marie qui est à côté de nous. C'est elle qui va nous présenter dans quelques minutes. On va y demander des gens et dire bonjour et on va demander si elle va bien. Bonsoir tout le monde, ça va bien, le soleil est revenu. Allez, tout en musique, c'est parti. C'est pour le sommaire. Alors, ce soir, qu'allons-nous voir? Eh bien, du basket, donc la Nationale 1, le SAP Avignon se déplaçait à Chartres. Alors, une belle victoire et nous aurons, avec Ludo d'ailleurs, plusieurs résultats dans cette émission. Rugby à 15, l'ASBC recevait au Verdeau l'équipe de Tricastin. Match facile ou pas? Réponse dans un instant. Handball, belle soirée à Mazan, la Nationale 3 jouait contre Bourg-de-Péage. Ont-elles gagné ou pas? Réponse dans cette émission et tous les autres résultats du Vaucluse. Football, Henri et tous les résultats du district Rhône-Durance. Athlétisme, Bibi Bougon rediff en podcast ou pas? Tous les résultats, c'est du Bougon. Magazine Horizon, le rendez-vous de votre week-end sportif avec moi-même. Ensuite, nous aurons le magazine Focus et bien sûr une spéciale rugby à 13 avant le rendez-vous au Parc des Sports d'Avignon, France-Angleterre, samedi à 18h. Beaucoup d'invités autour de Fred et Jean-Yves. Voilà, c'est Top Chrono, c'est parti. Top Chrono, basket. Allez, basketball, on revient sur cette sixième journée de championnat, si je ne me suis pas trompé. Il faut quand même que je reprenne un petit peu mes cartes. Avec Jean-Yves, on va parler bien sûr de cette Nationale 1. Petit clin d'œil à un ami dont j'apprécie beaucoup, puisque bon, malheureusement, son équipe a perdu, mais il se déplaçait du côté de Rouen, c'est la Pro B, c'est toujours du basketball. C'est Stéphane Dao, entraîneur de Vichy. Ils ont perdu 76 à 70, mais ils sont 11e dans ce championnat qui vient juste de démarrer, puisque apparemment, où mon journal n'est pas très bien orienté, mais je voudrais que la première journée de championnat de cette Pro B, je pense qu'il y a un petit souci au niveau du comptage. Non, c'est bon, c'est non, bien c'est ça exactement la première journée, Fred. Voilà, la première journée avait lieu vendredi et samedi soir. Merci, monsieur qui travaille aussi au Vaucluse Matin, c'est pour ça que la pique était pour lui. Revenons à la Nationale 1, parlons un petit peu de ce grand Avignon Sorgue. On jouait la sixième journée de championnat. Déplacement à Chartres, une équipe là aussi à la recherche de résultats qui n'a pas été du tout probant puisque les Avignonnais l'ont emporté 75 à 73. On se rappellera juste que mardi dernier, ils ont trébuché à domicile, on va dire qu'ils ont rattrapé le coup Mais quand on fait l'analyse de tout, on s'aperçoit que cette victoire pour les ténors de la Nationale 1, Jean-Yves, ne comptera pas pratiquement que pour du beurre. Ouais, elle comptera pour du beurre, mais il fallait quand même le faire pour se remettre à l'équilibre au classement anglais, le fameux classement anglais. Trois victoires, trois défaites. Le SAP est 9e ce soir au classement. Ben c'est là où ils doivent être à peu près. C'est dommage qu'ils aient laissé échapper une victoire assez facile, entre guillemets, mardi soir dans leur salle. Sinon, ils seraient bien mieux classés et proches des toutes meilleures places. Alors, on croit toujours à cet entraîneur magique et son groupe. Qu'est-ce qu'il en pense, Jean-Yves? Ce Lautier qui souffle le chaud et le froid un petit peu à la façon dont il mène son groupe, puisque des victoires, des défaites, mais pour l'instant, on va dire qu'Avignon est pas dans les qualifiables. Déjà, on met la pression, puisqu'on avait annoncé un éventuel retour en Pro B de cet attelage, on va dire, avignonnais, sorgué dans cette Nationale 1. Non, Fred, il n'y aura pas de Pro B cette année, il faut être lucide, il faut quand même garder un peu les pieds sur terre, même pour les dirigeants. L'objectif est toujours de se qualifier pour les playoffs, c'est toujours d'actualité. Maintenant, Sylvain Lautier, j'ai toujours pas changé d'avis sur lui. C'est probablement un bon entraîneur avec des méthodes un petit peu différentes. Espérons que la mayonnaise va prendre, je l'espère pour au moins pour le club en tout cas, et puis pour lui, mais. Pour le moment, son équipe est toujours à réaction. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. C'est assez inquiétant, je trouve. Allez, on va demander à Marie tous les résultats. On va bien sûr parler de la Nationale 1, de la Nationale 3, les résultats. Et on ira voir en pré-national. Je regarde si les féminines ont joué. Non, et après, on ira en excellence avec Ludo qui reviendra nous donner les résultats des Carpentraciennes. Mais parlons plutôt de la Nationale 1 avec Marie. Alors, Caen Saint-Vallier 66-75, Vitré Centre Fédéral 76-47, Andrézieux Orchy 84-72, Chaland Jet Vosges 60-78, Rueil Griès Oberhofen 89-82, Chartres Grand Avignon Sorgue 73-75, Angers Lorient 82-74, Souffelway Rennes 76-57 et Tarbes Lourdes contre Quimper 66-90. Les premiers sont Souffelway et Grand Avignon se situe 9e sur 18. Voilà, on a tout dit, on va voir les résultats de la Nationale 3. Alors, Portisère Terre Froide 80-78, Tintournon-Ravoil-Châle 76-62, Saint-Vallier-Aix-Maurienne 76-81, Sorgue-Avignon-le-Pontet-Saint-Just-Pontoise 76-73, Saint-Chamond-Montélimar 69-80, Roche-la-Molière-Nord-Ardèche 74-80. Les Sorgues d'Avignon-le-Pontet 2 sont premiers. Voilà, peut-être les pré-nationales féminines. Juste derrière, on va sauter. Ah non, dans les angles, on va les faire ce soir. Les pré-nationales masculines en Ligue de Provence. Alors, Rognonat-Vallée de l'Arc 71-58, Entraigues-Pernes-Tarascon 48-53, La Ciotat-Cabriès 62-64, Rognac-Les Angles 65-59. Entraigues-Pernes se situe 7e sur 8. Ludo, est-ce que tu t'intéresses un petit peu au basket d'Entraigues? Je sais que Nanou Serraz était un petit peu à la tête de ce groupe et de ce club. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, le basket, pour moi, effectivement, je suis de loin. Comment tu es Entraigois? C'est juste une question de savoir un petit peu si tu savais. Non, je sais pas. Je sais qui l'entraînait la saison passée. J'avais un ami qui devait prendre les rênes cette année, mais du côté d'Entraigues, je sais pas du tout ce qui se passe et si Nanou est toujours aux manettes de cette équipe. Ouais, parce que 4 matchs, 4 défaites, je me posais un petit peu la question. Je croyais que tu allais nous éclairer un petit peu plus, peut-être les féminines de la Barbière. Est-ce que le jouet Marie, c'est fille de la Barbière, il me semble, on va te donner oui, les résultats. Alors, Tarascon Sainte-Marguerite, ça n'a pas été communiqué. Simiane Bouc Belair, Laragne Gap 48-39, Luspeg Marseille, le SMUC 40-47. Avignon-Barbière, Grand 60-40, Vitrolles-Venelle, 32-57. Avignon se situe premier. Ah, les filles de la Barbière, c'est très très bien. Tiens, Ludo, on revient vers toi avec du basketball. Je crois que tu as des résultats sur de l'excellence, il me semble. Oui, alors ce dimanche, j'ai pu assister à la 4e journée du championnat féminin excellence. Pourquoi j'y étais? Parce que ma petite sœur joue à la BC Carpentras, donc je me suis rendu là-bas. Un match assez disputé avec beaucoup de fautes sous le panier de la part des Carpentrasiennes. Il y a la mi-temps contre Rognonia, sont à 21-21. Seconde mi-temps un peu plus délicate, elles arrivent à enchaîner pas mal de bonnes choses. Le match se terminera à 47-52 avec, si je peux me permettre, un arbitrage du côté carpentracien pas très honnête et des fautes toujours sifflées à leur encontre, ce qui leur a manqué sur le résultat et d'où ce 47 à domicile, 47-52. Mais très beau match et physique pour des filles. Voilà, écoute, on espère que c'est le début de la saison. Alors, elles vont se rattraper et on va pouvoir enfin avoir de belles victoires, non ? Oui, et bien là, elles sont à 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Donc, c'est que le début. Je pense que ça va aller. Et puis, c'est une équipe jeune qui doit mélanger l'ancienneté et les cadettes qui viennent juste de monter cette année. Avec Lydia, une ancienne joueuse aux manettes, je pense que sur le fil de la saison, elles feront quelque chose d'honorable et terminons bien ce championnat. Et je reviens un petit peu sur tes propos au niveau de l'arbitrage. C'est vrai que ce qui me paraît exceptionnel par rapport à d'autres sports, où c'est que l'arbitre est, on va dire, est un petit peu maltraité, et à la fois le basket, les gens peuvent arbitrer, peuvent influencer l'arbitrage, font part de leur désarroi à monsieur l'arbitre qui est à 1 mètre sans envoyer des vulgarités ou autre chose que de paroles sur le basket. Et bien ça c'est quelque chose qui me séduit, moi. Ouais, mais c'est pas qu'il ait fait de grosses fautes, mais je l'ai pas trouvé. Vous auriez dû un petit peu lui dire, quoi. Vous auriez vous manifester des fois. Ça a été dit d'ailleurs, et il nous a regardé plusieurs fois, mais je l'ai pas trouvé très juste sur les fautes carpentraciennes, alors que Rognonna a envoyé un peu les coudes, puisque dans la raquette, il faut que ça joue un peu des coudes pour pouvoir monter au panier. Mais je ne l'ai pas trouvé très juste sur l'ensemble de la rencontre et voilà, je tenais juste à le dire sans méchanceté aucune. Non, parce que l'arbitre fait partie intégrante du jeu. Heureusement, qu'un arbitre. Avant, tu n'en avais qu'un qui râlait, maintenant il y en aura 2. Eh bien, c'est bien, je crois que ça sera pas mal. On a tout dit, je crois, sur le basket. Top chrono, rugby à 15. Tiens, on va changer de ballon, on va prendre un ballon ovale, on va parler du rugby à 15. Et il y avait bien sûr du championnat de Fédéral 2, Fédéral 3, il y avait aussi Honneur PACA, il y avait aussi Promotion d'Honneur, il y avait un petit peu tout le monde qui jouait. Il y avait même de la Fédéral 1, on a su que les Nîmois ont gagné à domicile en Fédéral 1, ils recevaient, si je ne me trompe, ça va me perdre. Moi je me souviens plus, c'est une jolie équipe de Fédéral 1. Pardon Didier. Bon, revenons à ce qui nous intéressait, en Fédéral 2, poule 4 bien sûr, la SBC qui est leader à l'heure actuelle de cette poule 4 en Fédéral 2, recevait cette équipe de Tricasting, une équipe de Tricasting truqueuse, joueuse, et qui a failli chipper la victoire au Verdot. On a quand même tremblé, même si le président était très heureux à la fin du match en disant on est premier, on ne peut pas toujours avoir, on va dire, des victoires très honorables. On peut avoir des victoires difficiles qui auraient pu malheureusement se terminer mal. Et au départ, si on met le film à l'envers, Jean-Yves, on peut dire que la SBC aurait pu tuer le match. Alors il a raison, le président, il a raison, Philippe Damignani, de dire qu'il est bien content d'avoir gagné ce match, parce que son équipe est toujours première au classement, avec maintenant 3 points d'avance sur son poursuivant Château-Renard. Bon résultat, hein, 4 matchs, 4 victoires, ça c'est l'aspect comptable du truc. Le contenu du match de hier, eh ben, ça nous laisse, on l'a dit pendant le direct, on l'a dit après le match, ça nous laisse un sentiment d'inachevé, parce que cette équipe de Bédarrid a le match en main au bout de 10 minutes, il mène 13-0 très rapidement, et puis d'un coup, plus rien. Plus de jeux, beaucoup de fautes, ils ont permis à l'équipe de Tricastin de revenir dans le match. C'est dangereux alors, de jouer comme ça, mais il y a des explications, si tu veux. Alors si tu veux, j'ai gardé la feuille de match, parce que bon, on va dire que c'est l'ensemble Bédaridé, la première ligne avec Victor Langlade qui reste avec nous, on l'aura bien sûr dans les studios, il va venir nous voir parce que lui veut aussi qu'on partage un moment agréable à la radio pour parler du rugby. On avait marqué Navergne, on a une première ligne, on va dire Tony Truant, une seconde ligne sur la feuille, hein, on va dire en regard de le 15 de départ, qui est très très bon. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que bon, on va juste un petit peu les énumérer, hein. Carrier, Erjan, Bariol, Nougaillé. Nougaillé. Nougayagé, vous voyez, Nouga. C'est le dire en demain. Barneron, Lombartex, Roche, on retrouve Chouchan, Yaziz, qui nous a parlé aussi, qui joue au 13. Mortelette, Marc Bogossian, Chouchan, Mehdi aussi, qui joue au rugby à 13. Et Franquine, qui était sur cette feuille de match. On peut dire que l'équipe tenait la route. Malheureusement, ce que c'est aperçu au bout de 20 minutes, des joueurs qui étaient déjà un petit peu le capot ouvert. Alors, la composition est pas du tout à remettre en cause. Pas du tout. La gestion du groupe est pas du tout à remettre en cause. Les entraîneurs font un excellent boulot depuis le début de la saison. Le seul truc, c'est que les entraîneurs, Mabillon et Wyatt, prônent un jeu de avec énormément de volume de jeu, de temps de jeu. Et puis, pour le moment, les joueurs de la SBC, derrière notamment, ne sont pas prêts physiquement, n'ont pas encore le coffre pour jouer ce genre de rugby. Alors, c'est beau pendant 25-30 minutes, où là, on voit des trucs extraordinaires pour ce niveau-là de jeu. On voit en Fédéral 2 des coups à 10 ou 12 temps de jeu avec zéro ballon qui tombe, c'est juste extraordinaire. Par contre, au bout d'un moment, les types, ils ont le capot ouvert, comme tu dis, ça chauffe, la fumée qui sort de partout. Et puis, alors le problème à ce moment-là, c'est qu'il faudrait que les joueurs aient le réflexe ou que les entraîneurs puissent communiquer aux joueurs de baisser un peu de volume, d'essayer d'envoyer un petit peu moins de jeu. C'est compliqué, ouais. Et ben non, puisque c'est eux qui prônent ce jeu-là. Alors, ça continue. Énormément de volume, mais à partir de la 30e, des fautes, parce que ça manque un peu d'aération au niveau de la boîte là-haut. Exactement. Alors, bien sûr, c'est l'ensemble Bédaridé, c'est un petit peu comme ça. Oui, Didier, tu veux dire quelque chose? Attention, pas d'anglais, ni rien. Non, pas du tout. C'est que ce qui est sympa, c'est que c'est vrai que, comme le disait. Il y a deux joueurs dont l'arrière de la SBC, Jonathan Franklin, ainsi que l'ailier Mehdi Chouchan, tu as dit. Ils ont avoué qu'ils avaient bafoué leur jeu, surtout en deuxième période, mais en se faisant peur. Peut-être qu'en se faisant peur, c'est là qu'aussi il y a eu certaines choses qui n'ont pu marcher, et c'est là qu'on perd un peu notre esprit dans le style du jeu. Mais moi, je ne me suis pas fait des amis en disant juste une chose, Damignani et Mathias, qu'est-ce qu'il fait à l'aile? D'ailleurs, personne ne nous a répondu. Non. On a reposé la question après. Mais la réponse, tu l'as dit. Oui, voilà. Bon. Alors, écoutez, vous allez voir, je vous propose d'écouter Carrier, le seconde ligne. Alors, il va revenir un petit peu sur Jean-Yves, parce que moi, je lui pose la question que tous les Bédaridés se sont posés à la fin du match. Pourquoi ce match, il n'a pas été plus, on va dire, glorieux au niveau du résultat, vu la densité de jeu en première mi-temps? Je vous propose de l'écouter, il va nous répondre, vous allez voir. Carrier. Le seconde ligne Carrier de la SBC, on revient un petit peu sur ce match. Belle victoire, on aurait espéré, parce qu'on en veut toujours plus, qu'elle soit glorifiante plus que ce qu'elle a été en deuxième mi-temps. Oui, c'est vrai qu'ici c'est un peu compliqué, parce que même quand on gagne, on n'est jamais content. Donc après c'est vrai qu'on fait une belle première mi-temps, du coup on pense un peu meilleur en deuxième mi-temps, mais après bon, peut-être qu'au niveau du coaching, il y a eu beaucoup de changements, du coup on est un peu déboussolé, mais sinon. Je pense que le principal c'était de gagner, et puis on l'a fait, et maintenant on passe au prochain match et on reste toujours premier, donc c'est bien. Ouais, parce que quand le groupe n'a pas changé, on a connu l'histoire de l'année dernière, c'est vrai qu'on est peut-être exigeant, mais peut-être que c'est ça aussi la rançon de la gloire. Quand on fait une belle saison, on a toujours envie de voir la SBC au plus haut niveau, parce que vous êtes pratiquement un groupe qui vivait ensemble depuis 2 ans. Oui, mais bon, on est quand même au plus haut niveau, parce qu'on est premier, donc même on peut pas passer au-dessus. Non. Donc après c'est bien, mais le groupe il a pas changé, il y a quelques éléments qui sont venus et qui sont bien bien greffés, et il y a une super ambiance encore, donc il faut qu'on continue comme ça. Ouais. Avoir une équipe en moins dans la poule, c'est pénalisant c'est mieux pour se reposer? Non, c'est pas pénalisant, là on a encore un week-end de repos. De toute façon, nous, ce qu'on vit, c'est les phases finales. On va être qualifié. Donc après le bas du tableau, on s'en fout un peu. Une équipe de moins, ça fait un match de moins, mais c'est pas grave. Hein. Tout à l'heure avec Victor Langade qui nous dit on a envie d'écrire peut-être une page d'histoire. Toi aussi, tu es prêt? Oui, de toute façon, Victor, on se dit tous les jours parce qu'on monte dans la voiture ensemble. Donc après, voilà, si on peut faire une belle saison et voir un peu plus loin, pourquoi pas. Hein. Voilà un joueur très intéressant, la personne de Carrier. On revient deux minutes, Jean-Yves, pour cette équipe Carmelo Tricastin, où c'est qu'on va rendre un petit peu la gloire qui lui appartient. Des joueurs qui prennent de l'âge, des joueurs qui sont qui ont passé plus pratiquement plus de la trentaine, 35 ans, mais qu'un bon joueur, je veux dire, un joueur de haut niveau, reste qualitativement un bon joueur de rugby comme Gomez et surtout Zanini qui ont mis un petit peu la panique en deuxième mi-temps. Tu sais Fred, quand les mecs sont bons, ils ont été bons, même très bons, Zanini, Gomez, tout ça, ces mecs qui ont évolué à très haut niveau, et ben quand ça arrive à 33, 34, 35 ans, ça a moins de coffre, ça tient moins longtemps, mais par contre le talent ils l'ont toujours quoi. Quand Zanini est rentré hier, il a mis le démon à tout le monde. Quand Gomez est rentré, il a balancé des coups de pompe de 50 mètres. 100%. Voilà. Après le talent, eh ben, l'âge ça y fait rien, c'est juste les cannes qui te manquent. Voilà, à 35 ans. Bien souvent c'est ce qui me séduit de ces joueurs, hein, qui disent on est plus beau, mais bon, on fait ce qu'on peut. Ils font ce qu'ils peuvent, mais hier ils te mettent le démon toute l'après-midi. Seconde demi-temps, ils rentrent et ils mettent le démon à tout. Ils sont moins bons, ça c'est sûr. Et puis Zanini notamment, qui a énormément d'humilité, quand tu l'interroges, il te dit je vais laisser la place un peu aux jeunes et si on a besoin de moi, eh ben je serai là. Enfin, le mec, il a joué en Pro D2. Bien sûr qu'on va avoir besoin de lui et pas qu'un peu. Voilà, c'était juste leur rendre hommage un petit peu à cette équipe de Tricasting qui le méritait parce qu'elle a tenu haut le dragé au leader de la poule qui est à l'ASBC. Et Monique qui me fait signe, il va falloir remplir le frigo. Alors nous, ouvrez bien vos oreilles, pardon, parce que c'est de la pub qui arrive. Top chrono, rugby à 15. Allez, rugby à 15, on va juste dire deux mots encore sur cette poule 4 de Fédéral 2. Château-Renard qui est allé gagner du côté de Saint-Raphaël-Fréjus avant de voir les résultats avec Marie. Une victoire 26-22. Château-Renard reste château, Jean-Yves. Ouais, ben ils seront dangereux jusqu'à la fin, tout simplement. Hein. Enfin, c'est château, il y a un entraîneur intelligent, Daniel Saubier, on va pas en reparler à chaque fois. Mais Daniel, il est capable d'aller faire ce genre de coup et de préparer son équipe pour qu'il soit toujours là pour l'emballage final. Et cette année, en plus, j'ai l'impression, mais c'est que mon impression, que l'Ogre Nîmes est en partie, le haut du classement, les 4-5 équipes du haut du tableau, ben c'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus resserré. Et une équipe comme Château, dans ces cas-là, et ben, ils peuvent très largement sortir leur épingle du jeu. Et puis ils ont recruté un joueur que j'apprécie beaucoup, et vous connaissez son frère qui joue au 13. C'est Hugo Pourré, hein, qui joue troisième ligne à Château-Renard, et c'est un garçon que j'aurais bien aimé voir revenir à l'ASBC. Ça, c'est la bonne pioche, effectivement. C'est une lourde perte pour Tricastin, puisqu'il avait été très bon l'an dernier contre Béda, et c'est la bonne pioche de Château, bien sûr. Les résultats avec Marie pour la Fédérale 2. Alors, la Fédérale 2, poule 4, Saint-Jean-Royan contre Voiron, 32-16. Saint-Raphaël-Fréjus contre Château-Renard, 21-26. Bédarit Château contre Tricastin 22-20. Hier Carquerane Nice 25-13. Les premiers sont Bédarit de Châteauneuf. Deuxième Château Renard sur 9. Fédéral 3, poule 9. Priva Martigues 17-24. Ber Beaurepaire 83-9. Givors Les Angles 21-21. Avignon Le Pontet Rhône 15 19-19. Émeux en puits 10-26. Les Angles se situent 3e et Avignon-le-Pontet 9e sur 10. La poule 10, Sifour-Valcabo, remis, reporté. Palavas-Lavalette, 13-19. Cavaillon-Vendre-Lespignan, 20-13. Aix-Université-Lille-sur-Sorgue, 19-13. Bastia-Aubagne, 11-15. Le premier, c'est Aix. Lille-sur-Sorgue se situe 3e et Cavaillon 7e sur 10. En championnat PACA d'honneur, Le Bossé Saint-Saturnin reporté, Le Mourillon RC Draguignan 9-12, Sisteron Monteux 11-6, Salon de Provence Fosse Istres 35-3. Donc et Valréas Suzès a été reporté. Donc Monteux se situe, le premier c'est RC Draguignan et Monteux est 4e sur 12. Provence, première série, Sorgue Renouvez contre Orange 23-12. Et là, nous n'avons que ce résultat et Sorgues Renouvelle se situe 4e sur 9. Merci Marie pour ces résultats. On va juste revenir sur deux résultats qui m'ont un petit peu claqué aux oreilles. C'est en Fédéral 3, Poule 9, les Angles qui font un super match à l'extérieur puisqu'ils ont le match nul. Et par contre, le Pot D qui s'enfonce un peu plus vers le bas du classement en faisant eux aussi un match nul, mais à domicile, ça c'est plus contraignant. Et par contre, juste avant de laisser la parole à Jean-Yves, il y avait quand même un derby qui a dû être quelque chose de très sympa. Sorgues Renouvelle en première série contre Orange. Il paraît qu'on a mangé des citrons à la mi-temps, mais ouais, on avait des problèmes pour couper parce qu'il n'y en a plus dedans. Des poires et des pêches aussi, il paraît qu'ils ont bouffé. Ouais. Scooby-Doo, non, Fred, non. Effectivement, on va revenir à deux secondes sur la poule 9 en Fédéral 3. Autant le résultat à l'extérieur des Angles, le 21-21 des Angles, c'est un excellent résultat. Encore une fois, les Angles pour le moment sont toujours invaincus, 4 matchs, 0 défaite. Autant le match nul du Ponté à domicile, là ça commence à être inquiétant. Ça va être inquiétant toute l'année. Ça va être inquiétant toute l'année. On en a parlé il y a 15 jours quand on était allé les voir. Ils vont souffrir et le risque est grand de les voir faire le chemin en direction de l'honneur en fin de saison. Ce qui serait peut-être une excellente chose pour le club entier, pour leur permettre de repartir. Top chrono, handball. Allez, handball, on va parler bien sûr de nos filles de Mazan, voir un petit peu les résultats de ce qu'ils ont fait en National 3. Ils avaient tout pour faire un beau match, ils avaient tout pour gagner, même si Bourg-de-Péage quand même est le leader incontesté de cette poule 8. Eh bien, malheureusement, les filles de Mazan ont subi, on va dire, la loi du plus fort, puisqu'ils ont perdu 25-28, mais que le match a dû être sympa. Puisqu'on connaît Carl Vincenot, on connaît Pascal Vassé qui sont derrière ses filles et ce Cossack de Mazan qui rugit à chaque fois que cette National 3 s'y produit à l'intérieur. Voilà les résultats de cette soirée, de cette quatrième journée. C'est Plan de Cuc qui recevait l'Accro, victoire 37-21. Clermont-Salle recevait Grasse 25-19, pardon. Et toi, le Beauvoisin recevait Bouillargues 21 partout. Mazan recevait Bourg-de-Péage 25-28. Marseille Nord recevait Cagnes-sur-Mer, victoire à l'extérieur de Cagnes 28-25. Et handball Ajaccio Club recevait hier, victoire logique 35-29. C'est Bourg-de-Péage qui est bien sûr leader dans cette poule et Mazan est cinquième. Voilà pour le handball. Top chrono, football. Voilà, on arrive un petit peu dans la page de football. On est avec Henri. Bonsoir encore une fois, Henri. Le championnat Rondurance reprenait, on va dire, de la vigueur. En revenant peut-être plus amplement dans le championnat, surtout de France, avec la CFA. Voir si le Ponté s'est guéri de ce mal qui le ronge à l'heure actuelle avec ses entraîneurs, ses présidents qui changent. Et après, bien sûr, on ira faire un petit tour en Ligue Méditerranée avec sûrement Pernes et Courthézon. À toi l'honneur, mon cher Henri. Donc, suite à une pause de 15 jours due à la Coupe de France qui se déroulait la semaine dernière, donc le Ponté a perdu la semaine dernière, mais malheureusement, en championnat contre Monaco 2, le Ponté n'a pas su ou n'a pas trouvé les moyens de gagner à domicile. Alors donc, moi, je vais juste t'arrêter là parce que tu viens de dire une chose qui est très intéressante. Ils n'ont pas trouvé les moyens de gagner. Eh bien, grâce à Jean-Yves qui était là un petit peu blueseur, voir si des fois il y avait une place pour pouvoir jouer en une. Il a demandé. Ce type, il est de partout. J'ai le don d'ubiquité. Voilà. Et je vous propose d'écouter Eric Cardona qu'on avait reçu la semaine dernière ici même. Pour l'Olympic Cup. Irvine. C'était Irvine qu'on a. Irvine Cardona pour son retour au Ponté sous les couleurs de Monaco. Irvine, comment s'est passé ce retour à Fargues? Bah, ça fait toujours plaisir de revenir dans son club formateur. Voilà, maintenant on est venu, on savait que ça allait être un match difficile et on a mis les ingrédients pour remporter ce match. Et on est très content de gagner aujourd'hui, même si ça fait un petit pincement pour mon club parce qu'ils sont derniers. Mais bon, on est quand même content du résultat. Est-ce que tu t'es préparé particulièrement justement pour ce retour ici dans ton club? Est-ce que c'était un match que tu avais coché en début de saison, que tu attendais ou tu appréhendais? Oui, depuis mon arrivée du centre, au centre de formation, j'attendais ce moment pour rencontrer l'équipe du Ponté, et ça se fait que maintenant, et ça faisait très longtemps que je l'attendais. Et je me suis pas mis de pression, il y avait toute ma famille, tous mes amis qui sont venus, et je me suis pas mis la pression, j'ai joué comme je joue d'habitude, et je marque un but aujourd'hui. Ce premier but, justement, ton sentiment à ce moment-là ? Ouais, je suis content de marquer, bon, je célèbre pas parce que c'est pas bien par rapport au Ponté, mais ça fait du bien de marquer comme ça tous les matchs, et ça permet de rester en confiance, c'est important pour un attaquant. Et la suite maintenant pour toi alors ? Ben là, en entraînement demain matin avec les 19 ans, et on part lundi à Moscou pour un match de Champions League. Merci. Ouais, vous avez entendu un petit peu. Ça nous fait plaisir, Jean-Yves, de vous avoir ramené Erwin Cardona. Un jeune qui est appelé à devenir un grand joueur, parce que pour le moment, il a tout pour lui. À part peut-être Pépin, si malheureusement c'est le mal de tous. Écoute, les... si comme disait l'autre, les petites souris ne mangent pas en route, il va faire une belle carrière parce que il a un talent extraordinaire. Il est dans les sélections de jeunes depuis un petit moment. Il est bien entouré. Son père, on l'a eu l'autre jour ici au studio. Voilà, enfin, tout est sain autour de lui, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et puis ce gamin, il a un talent extraordinaire, il court des dizaines de kilomètres dans un match, il est là quand il faut scorer, c'est lui qui marque le premier but, il n'est pas fait l'autre jour, mais il le marque quand même. Voilà, tant mieux. Bravo. Voilà, je crois que c'était magnifique de l'avoir eu. Par contre, là aussi, on a familièrement un bip-bip qui arrive chaque fois dans l'oreille. C'est Bougon, pourvu que nous n'a pas sa pavillon ce soir. Alors, excusez-nous pendant 2 secondes, Bougon prend la parole. Oui, parce que moi, ce que tu savais pas, c'est qu'Erwin m'a passé un coup de fil en me demandant pour la Champions League d'aller jouer à Moscou quelques tuyaux là-bas. Ah, c'est pour voilà. Ça. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je peux. Et comme on avait vu le papa, j'avais eu le message. C'est pour ça que je lui avais laissé les cordes. Téléphonique. Non, vous êtes bien dans le Top Chrono et on revient bien sûr avec le football. Vous savez que c'est une équipe de sport et on est toujours là pour se chambrer entre nous. Henri. Donc ce résultat n'arrange pas les affaires du Pontet, sachant que je pense qu'il y a un double mal, que ça soit défensif ou offensif. En 8 matchs, ils ont quand même pris 15 buts et ils en ont mis que 5. Ouais, là on sent un petit peu la difficulté aujourd'hui. Je crois que on va pas dire que le groupe vit mal, mais on fait que changer l'entraîneur. Est-ce que c'est les joueurs? On arrive. Le problème du football, toi tu le connais encore bien plus que moi. Bien souvent, on n'en est plus à savoir qui fait la passe à l'un ou à l'autre, mais c'est surtout essayer d'avoir une cohésion de groupe pour pouvoir développer une tactique de jeu. C'est ça. Bah tout à fait. Quand il n'y a pas de bloc équipe. Quand l'équipe ne joue pas ensemble, bah, rien ne peut fonctionner. Donc là, en l'occurrence, je pense que tous les joueurs ne vont pas dans le même sens. Et après, peut-être, il faudra que les dirigeants, que ce soit les supporters également, que tout le monde continue à pousser derrière ce club, car il ne faut pas qu'il tombe, qu'il descende cette année. Et tu as entendu Erwin Cardona qui a dit « J'ai pas célébré mon but, question d'humilité envers ce club du Ponté ». C'est beau ça, c'est oui, sympa je veux dire quelque part. Hein. Ce sont des super valeurs. Oui, vas-y Ludo. Oui, je rebondis à ce qu'il dit sur le Ponté. C'est vrai que c'est dommage de les voir se mettre des coups de pelle sur la tête et de ne pas arriver à faire quelque chose. Dernièrement, si je me souviens bien, le Pierre Gignac est venu quelque temps essayer de remonter un peu le club. Et d'après ce que je sais, la municipalité n'est pas trop derrière eux. Elle ne veut pas investir un brin d'argent. Donc, comment vont-ils faire? Ça va être très, très complexe. C'est vrai que s'ils venaient retomber en CFA2 ou après se retrouver, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Henri, les autres résultats donc peut-être les... Allons-y peut-être pour les résultats. Tu nous dis au fur et à mesure. Oui, oui, on va passer à la PHA. La troisième journée. Donc, Montfavet jouait contre Nyons et gagne 1-0. Nove Carpentras 2-3. Courtaison, BC Isle, 1-4. US Avignon, Veden, 0-2. Perne, Saint-Rémy, 1-1. PHB, Poule A. Barbantane, Saint-Didier, 0-1. Cavaillon, RC Provence, 4-3. Monteux, Calavon, 1-1. Entraigues, Jonquière, 3-2. Poule B, Sorgues, Étry, Carpentras sur un score de 4-0. Château-Renard, Dentelle, 1-1. Velleron, Malocène, 1-3. Orange, Jolès, 2-1. Et Camaret, Avignon, CFC, 1-3. On passe à la DH, où Salon Bel Air rencontrait Perne. Les deux équipes se séparent sur un score de parité 1-1. Voilà, Henri, une belle page football. Une chose qui est à noter surtout, c'est qui me fait plaisir, c'est les Sorguais qui ont un petit peu étrié les Carpentraciens. Mais ça, c'est dans la PHEB. C'est vrai que l'Espérance sorgaise, c'est une valeur sûre, quoi. Et c'était. Maintenant, il va falloir peut-être que tu te rapproches un petit peu de ces gens pour savoir un petit peu le contenu de tout ce que j'ai dit. Tout à fait. Merci Henri pour la page de football. J'aimerais terminer quand même sur les résultats de la Gambardella. C'est la Coupe de France pour les U19. Oui, bien sûr. Donc Monteux Orange 2-3, Le Pontet SMUC 5-3, Saint-Rémy Perne 1-2. Merci. Tu as été complet, Henri. Merci de m'avoir retoqué, hein, parce que j'avais oublié la Coupe Gambardella, la Coupe qui se termine le jour de la Coupe de France, c'est bien ça? Oui, tout c'est à fait. C'est l'avant-match. Hein. Voilà, c'est l'ouverture. Le match d'ouverture avant le match des professionnels. Alors maintenant, si vous avez de la sensibilité, éteignez votre poste de radio, ça durera 10 minutes. Juste après, vous pouvez le rallumer, puisqu'on va parler bien sûr du rugby à 13. Vous êtes toujours sur Fly FM. Restez avec nous, mais surtout, n'écoutez pas ce qui va se passer. Top chrono, athlétisme. Voilà, c'est l'athlétisme, c'est Didier Bougon qui s'y colle. Non, ce soir, c'est la Saint-Bougon. Ah oui, tout à fait, je l'apprends alors. Non, non, vas-y Didier. Alors Didier, qu'est-ce qu'il y avait de beau en course à pied? Je crois qu'il y avait la course des pieds K.O. Tout à fait, bon, c'est une incontournable course qui se fait dans le Vaucluse et c'est vrai que Saint-Saturnin quand même arrive dans son petit village à avoir pas loin de 650 coureurs sur deux courses. Ouais, donc sur ces deux courses, on va prendre les résultats déjà sur la petite distance qui est de 5 km. Bon, c'est vrai que le petit Idriss Taïnebi de l'APA s'est encore imposé devant un vétéran qui est Christophe Kamps et tirons un chapeau à Christophe Kamps parce que Christophe se fait battre mais en fin de course. Un vétéran par un petit jeune de 24 ans. Bon, c'est vrai que quelquefois... Juste, je te coupe. Christophe Kamps, il faisait pas un petit peu du trail. Il est un peu éloigné. Sur différentes distances. Hein. Ouais. Il y a du trail, il y a du cross, il y a un peu de tout. Mais bon, pour ce jeune, je tire chapeau, hein, puisque Christophe est toujours là. Quant à Driss, bon, je l'ai dit à certains dirigeants, puisque la PA et Driss est au club du Pontet, c'est un coureur de 8, d'aller sur des courses de 3, 5 km, voire 10. J'en vois pas trop l'intérêt. Bon, c'est sûr, ça fait briller les couleurs du Pontet ou de la PA. Mais entre autres, tout ce qui est, quand on s'y connaît en course à pied et même on est coach, on se dit pourquoi un coureur de 8 va faire des courses de 5 bornes ou de 10 bornes. Bon, bah après, je laisse les penser à d'autres personnes. Moi, je suis dans mon contexte de coureur et voilà. Entre autres aussi, la troisième place revient à un Sorguet, qui est Michael Gilles du team Camino, qui fait troisième en 17,52 sur cette course de 5 km. Ensuite, chez les femmes, c'est la petite jeune Sarah Chabert, qui est de l'APA et qui est une avignonnaise, qui s'impose pour la deuxième année consécutive en 20 minutes 20. Ensuite, elle est suivie de Manon Fournier de l'UAC Carpentras en 20,38 et de Evelyne Cépé, troisième en 21,24. Concernant quand même le 10,5 km qui était la course phare de cette course, hein, eh bien ça revient toujours aux gens du CSMA qui sont toujours présents sur toutes les courses, tout en sachant que sur la grande distance, on trouve Redouane Medjoub en 35,07, suivi de Aziz Ervoda en 35,22 et de Fadil Saber en 35,33. Excuse-moi, est-ce que tu peux redire le nom? J'ai pas non, mais je suis comme toi, je pense pareil. Et non, mais je pense pas pareil, mais écoute, moi j'ai rien à dire. Quand tu dis le mien, un entier, il fait 1,5 km, mais bon. Il faut 20,5 km. Bon, après, je sais qu'une fois, tu m'avais porté aussi la plaisanterie sur le nom des Kenyans. Au niveau des Kenyans, je m'en sors un peu mieux non, que c'est, là. Ouais, ouais. Non, ce qu'il mais faut alors, savoir... Niveau sympathie, qu'est-ce qui remporte le trophée? Bon, c'est vrai que Redouane Medjoub a fait premier, mais la veille, il avait couru le samedi à la corrida des Alpilles qui se fait à Aiguières. Et c'est dommage, j'ai pas réussi à voir l'organisateur de la corrida des Alpilles. Alors, qui dit corrida, ça se passe le soir? Non, ça s'est passé le samedi après-midi. Aiguières, petit village, et l'organisateur avait réussi à avoir un plateau aussi intéressant et aussi fort au niveau participant. De cette course bien. Qu'à Avignon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Eger, c'est un petit village. Ils avaient un plateau de Kenyans, de Marocains, de Français très intéressants et très forts. Alors, comment il fait-il ? Je sais que derrière lui, il a toute la ville qui le suit. Les bénévoles, c'est-à-dire qu'il y a les bénévoles et les villageois qui hébergent aussi ces athlètes étrangers. Mais disons qu'il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, les petits villages, les petites organisations ont beaucoup plus de réussite que les grosses organisations parce que ça intéresse, tout le monde est intéressé et veut participer, veut apporter... par sa sympathie, comme j'ai entendu dire, les gens qui logent les coureurs, c'est une façon de participer à moindre coût. C'est fabuleux. Quoi. Tout le monde met la main à la pâte, les villageois, la ville, budgétairement, parce que pour faire venir des Kenyans, athlètes marocains, meilleurs athlètes français, le CSMA donc était représenté par le Vaucluse. C'est que derrière ça, en même temps, sa course, elle a une particularité. Elle ne fait pas un 10 bornes, c'est une course à l'élimination. Donc à chaque fois, ils refont 5 fois ou 6 fois les 1,5 km dans le village. Et au fur et à mesure, c'est 2-3 athlètes qui sautent. Et ainsi de suite. Et il a trouvé cette particularité que, sur 1,5 km, ça y va. Ça envoie. Et parmi le 6e ou le 10e. Mais dis-moi, Didier. Oui. Une question. Oui, vas-y. J'aime la pub. J'aime la pub. Allons-y, Monique. Top chrono, athlétisme. Voilà, après la page publicitaire, hein, c'est bip boulot. Mais oui, entre autres aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine prochaine, on sera ensemble à Avignon pour ce fameux marathon des Côtes du Rhône. Alors, j'aurais bien sûr la première tout à l'heure, c'est Marie qui va venir dans son magazine du rendez-vous nous reparler un petit peu de ce marathon des Côtes du Rhône entre tous les sports. Je suis en train de patiner, de patauger, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. On va essayer de se récupérer. Oui, ce marathon. Ça va être vraiment une. Où c'est qu'on en est les inscriptions, tiens. Alors au niveau des inscriptions, on sait qu'ils étaient à plus de 800 quand même. 800, ils arriveront peut-être à 1000. Alors ils se sont débrouillés parce que je connais quand même Monir Yemouni. C'est pas le garçon qui va s'endormir. Donc malgré que le préfet du Gard lui a dit non, stop. Entre Saint-Laurent-des-Arbres et puis Saint-Gignas de Comolas, interdiction, les 17 bornes, il a fallu trouver une route de secours. Ils l'ont trouvé et puis voilà, ça va changer, mais le départ se fera peut-être pas du côté en dessous du pont Saint-Bénézé, ça sera autre part, mais le marathon, il est là et il faut lancer. Moi, je les ai vus sur Facebook en train de déjà travailler, de mettre des endroits où il va avoir les ravitaillements et puis basta, puisque ça va être quand même une course d'une au niveau des primeurs des Côtes du Rhône, aussi au niveau de la dégustation, au niveau de l'ambiance à la fois culturelle. Donc il avait soin, je sais, Mounir, à ce que ça se fasse et ça va se faire. Ouais, hein. Surtout, juste en revenant, deux mots sur Yemouni. C'est ça ? Je me suis pas trompé sur vos signes, messieurs. Faut me reprendre quand je me trompe sur les noms. Il reviendra avec nous dans Top Chrono. On parlera un petit peu de l'avenir. Parce que Avignon, bien sûr, c'est la capitale de la culture. C'est un petit peu une emblème. Mais aujourd'hui, le sport a envie de renaître. Et Yemouni. Il bouge les choses. Il a des projets qui risquent d'être aboutis. Et nous, ça nous intéresse. Et ça nous a fait plaisir l'autre fois. Hein, puisque la radio s'est finie à 22h avec Jean-Pierre Wix également et avec Mounir de tous ces projets qu'ils avaient. Ouais, mais entre autres, je sais que la veille. On a fini. J'ai juste un petit mot à dire. La veille, on sera. On sort le pleureur et c'est toi qui as payé. On sera au 13. La veille, on sera au 13 avec France-Angleterre. Ouais. Mais il y a Ludovic aussi qui a une bonne chose à nous dire au niveau de tout ce qui est course à pied. Oui. Vas-y, Ludovic. Ouais. Alors, j'ai une bonne chose à dire. C'est pour les grands trailleurs. Ça s'appelle le Grand Trail de Gigondas qui aura lieu en 2017. Alors j'invite à tous les trailleurs à venir découvrir le 29 avril 2017 au travers du Grand Trail de Gigondas, les plus beaux paysages du Vaucluse. Vous traverserez les gorges de la Nesque, gravirez le mythique Mont Ventoux et regagnerez Gigondas en passant par les dentelles de Montmirail. Donc le Grand Trail de Gigondas est inscrit dans la liste des courses qualificatives à l'UTMB. Qu'est-ce que l'UTMB ? Bah, le UTMB, on sait que c'est au niveau du Mont Blanc, ça va être préparé, donc c'est ces athlètes assez trailleuses de se préparer pour le fin août, l'UTMB. C'est ça, donc cette course, ils pourront bénéficier de 4 points ITRA pour prendre à l'inscription sur l'une des courses de l'Ultra Trail du Mont Blanc ou autre course où il est nécessaire d'avoir des points. Trois formules, et je vais terminer par là, 95 km et 4200 mètres de dénivelé en solo, relais x2 ou relais x4. Également au programme un classement supplémentaire, le challenge uniforme de trail pour les pompiers, militaires, policiers, etc. Tous les renseignements et inscriptions sur le http://grandtraildegigondas.fr ou sur la page Facebook du Grand Trail de Gigondas. Tout ça est organisé par mon cousin, je l'aime, je l'adore. Bisous Laurent. Parce que nous, nous sommes, c'est vrai qu'on est à l'avance, on est très à l'avance des fois avec les dates, mais là de parler de 2017, c'est déjà pas mal. On n'a jamais fait ça. Merci Ludo, merci Ludo. Les descriptions sont à partir de novembre. Tu commences à avoir un surnom après Bibi, puis il va y avoir Tutut Bougon. Mais... Merci, mais on n'est pas encore au poisson d'avril. En avance, Didier, on en a terminé avec l'athlétisme. Tout à fait. Donc, au rendez-vous avec nos auditeurs dimanche prochain. Et oui, juste après, bien sûr, Bibi Bougon, c'était de l'athlétisme. Revenons un petit peu sérieusement, prenons un petit peu de l'air, prenons de la hauteur, prenez vos agendas, vos petits crayons et partagez un moment, on va dire, convivial avec Marie qui va vous donner un tas d'idées pour votre week-end sportif. Ah, c'est le magazine Horizon. Marie. Ah, il n'y a pas la petite musique ? Si, mais elle est derrière, on l'avait pas. Tu l'entends pas ? Excusez-moi. Si, si. Alors moi, je vais commencer par du football et ça sera le vendredi 21 octobre. Les crampons usés de Monteux qui recevront Sarrian à 20h30 au stade Saint-Hilaire. Ensuite, toujours le vendredi 21 octobre, si vous préférez, du rugby à toucher. Alors Jean-Yves, tu peux nous dire ce que c'est le rugby à toucher ? Le rugby à toucher, c'est du rugby pour les anciens, dont je suis le président à Bédaride. C'est un rugby... aménagé, où il n'y a plus de contact, il n'y a plus de coups, il n'y a plus de tout ça. Et c'est juste que le bon du rugby. D'accord. C'est-à-dire le ballon et la bringue. Donc moins violent. Oui. Voilà. Alors ça sera le derby des Sorgues, ce sera les vieux renards d'Entraigues qui recevront les Bédarides à 19h au stade Georges Moreau à Entraigues. Une petite aparté là-dessus, venez nombreux parce que vous pourrez assister au derby entre Jean-Yves Logier pour Bédarides et Ludo Titeux pour les vieux renards. Un appel à des amis qui nous écoutent du 13, si vous avez une photo de Jean-Yves quand il avait 20 ans, vous allez voir sur Facebook, on mettra les quand il jouait au rugby vraiment et quand aujourd'hui il a dit on s'amuse avec le ballon et on fait la bringue. Vous allez il y voir, en a mais que chez lui des photos. Bon allez, on se dissipe plus allez, les gens. Continue avec moi le magazine Horizon. Hein, on allez. Continue encore. Alors samedi 22 octobre, bien sûr, on en a déjà parlé, mais je vous le répète, ça sera du rugby à 13 en route pour la Coupe du Monde, le France-Angleterre à 18h30 au Parc des Sports à Avignon. Levé de rideau à 15h30 avec les féminines France contre Angleterre également. On n'en parle pas assez des féminines. Et les places seront à partir de 5€ et vous pourrez le suivre également en direct sur Fly FM à partir de 17h30. Du basket, des stages de Toussaint organisés par le club de basket L'Élan Basket Pernois. Ce sera du 20 au 22 octobre pour les catégories U9 à U13 avec un tarif de 35€ et le goûter offert. Ou alors du 24 au 25 octobre pour les U15 à U18 pour un tarif de 25€ avec le goûter offert. Je continue toujours le samedi 22 octobre. Ce sera une rando bistrot. Pour rendre l'utile à l'agréable. Hein ? Des saveurs d'automne sous le châtaignier, ce sera à Saint-Trinite avec un seul numéro pour s'inscrire, le 07 88 10 03 91. Ensuite, je passe à dimanche là, avec la première édition du marathon des Côtes du Rhône avec un 42 km 195. Alors, vous pouvez le faire en marathon solo, en duo ou en équipe de 4. Et si vous préférez venir encourager tout ce monde, vous pourrez... goûter aux fameux Côtes du Rhône dans chaque petit coin qui se trouvera sur place à Avignon. Didier nous en parlera un petit peu plus. Oui, il y a plusieurs points de ravitaillement. Voilà. Il y a ces points de ravitaillement, je ne sais plus si c'est à partir du 10e ou du 15e. Donc chaque coureur pourra déguster ou les spectateurs également. Voilà, donc si vous voulez boire un petit coup, mais toujours avec modération. Toujours dimanche, l'association Agir pour offrir organise une randonnée ouverte à tous de 9 km. La participation est de 10€, mais c'est pour une bonne action puisque c'est dans le but d'offrir un chien guide à un enfant aveugle ou malvoyant. Si vous voulez plus de renseignements, vous allez sur le Facebook de Fly FM. Et je termine avec le dimanche 23 octobre avec la Color People Run à Carpentras. 9h, ouverture du village et retrait des dossards à l'hippodrome Saint-Ponchon. 11h, départ. 14h, un concert DJ. Et vous pouvez réserver dès à présent votre ticket tarif réduit sur www.electroticket.fr. Et voilà. Parfait, c'est parfait, parfait, parfait, parfait. Voilà pour tous ces rendez-vous sportifs. Dimanche, eh bien, nous serons, du moins j'espère que Didier sera là, pour le marathon des Côtes-du-Rhône, parce oui. que peut-être je serai absent. Mais on vous tiendra au courant dans la minute sportive qui passera mercredi, jeudi et vendredi prochain. Voilà, merci Marie pour, on va dire, ce magazine Horizon. Et c'était complet, riche en événements. Monique, tu seras au marathon des Côtes-du-Rhône? Oui, oui, on le fait en équipe en collée. Voilà, on va attendre nos invités qui ne seraient plus tarder. Par contre, on peut déjà ouvrir la page. Focus ce soir dans Focus, c'est du rugby à 13. Nous reviendrons bien sûr sur la Fédération Française de Rugby. Dans quelques minutes, Jean-Yves reviendra avec ses invités. On aura Bissière, qui est l'éternel, l'étoile, on va dire, du rugby à 13 dans le Focus, parce que c'est un Avignonnais riche en événements et en paroles, vous allez voir. Avec lui, je pense qu'on va passer un super moment. Revenons avec mon équipe de rugby à 13 dans Focus ce soir. Jean-Yves, je crois que le programme est chargé et lourd. Oui Fred, effectivement le programme est chargé, enfin chargé en émotion, parce qu'on a plein de gens qui vont venir au fur et à mesure. Attention, dans cette émission. On va essayer de se tenir, d'être gentil et de ne pas dire de méchanceté. Non oui, le programme est chargé puisque dans quelques minutes nous accueillerons Frédéric Bissière, le président du SOA 13, le club avignonnais qui est co-organisateur de ce match France-Angleterre. Nous aurons au téléphone Vincent Duport, je crois qu'il nous attend. Vincent Duport, c'est un avignonnais passé par l'école de rugby de Vedaine, du SOA, et qui maintenant évolue au plus haut niveau en Super League avec les Dragons catalans, et qui va jouer le match de samedi après-midi. Nous aurons ensuite Marc Palanque, le président fraîchement élu de la Fédé de rugby à 13. Et puis eh ben, on débattra de tout ça avec tous ces gens-là. Et je crois que Vincent est au téléphone et qu'il nous attend. Juste deux questions avec Ludo. Ludo, c'est bien ce soir de reparler un petit peu de tous ces joueurs qui vont évoluer dans ce match, hein, surtout content pour la Coupe du Monde, et surtout de mettre en évidence la venue de ce nouveau président et un entraîneur qui fait partie du giron, on va dire, avignonnais, qui devient à la tête de l'équipe de France, qui rentre un petit peu dans le cadre. Hein. C'est ça, Renaud Guigue qui devient l'assistant de l'entraîneur de l'équipe de France. Belle équipe de France. Donc pour ce samedi, 20 joueurs sélectionnés, à noter 8 Vauclusiens, ce qui est rare. On peut remonter dans les années, fin des années 80, ouais, et 80 encore. Et encore à l'époque du Ponté. Juste avant d'aller on rejoint au téléphone Jean-Yves, tu as vu, je l'ai fait exprès, j'ai pas donné les noms pour savoir un petit peu si ta recrue à 13, Ludo, était vraiment dans le coup, mais pas de problème, ils nous ont donné tous les noms avec Renaud Guigue qu'on adore. Quoi. À toi. Ouais, ben ouais, écoute, on va accueillir au téléphone un de ces 8 Vauclusiens présents pour ce match. Vincent ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Vincent. Bonsoir, salut Vincent. Salut. Ouais, on est avec, je suis avec ton pote Ludo Titeux et on voulait d'abord te féliciter pour cette nouvelle sélection en équipe de France. Ça doit faire chaud au cœur de venir jouer à Avignon à nouveau avec l'équipe de France. Oui, voilà, c'est vrai que quand on sait très bien qu'Avignon sait organiser ce genre de match dans le passé. Je me souviens de belles fêtes au Parc des Sports, donc c'est toujours un plaisir de rentrer dans le Vaucluse et Avignon pour se jouer ces test matchs on le sait, la ferveur qui existe sera toujours au rendez-vous. Vincent, toi qui as connu l'équipe de France il y a maintenant quelques saisons, est-ce que tu notes un changement avec les nouveaux entraîneurs là depuis que vous êtes en stage depuis 15 jours maintenant? Est-ce que le discours d'Aurélien et de Renaud est un petit peu différent de celui que tu avais connu avec Richard Agar? Oui, c'est vrai que déjà le fait d'avoir à la tête de l'équipe de France des entraîneurs et un cadre technique français, c'est beaucoup plus facile pour le groupe. Je pense, moi, avec le recul qui est connu, voilà, comme tu disais, depuis un certain moment maintenant, l'équipe de France et aussi dans mon club Dragon Catalan, beaucoup de coachs australiens, anglais. Ça fait du bien pour l'équipe de France, ce soit un coach français. Donc à un moment donné, les choses peuvent être dites et bien comprises par tout le monde. Et il s'avère que maintenant, voilà, il y a toute une page s'est tournée au sein de la fédération et maintenant il y a tout un nouveau staff technique qui s'est mis en place et le message est très clair et des objectifs aussi. Donc maintenant, à nous joueurs de remplir notre part du marché. Qu'est-ce que Aurélien et Renaud vous ont fixé comme objectif pour ce match de samedi? Parce que tout le monde, malheureusement, tout le monde prévoit une déroute. Moi, observateur du rugby à 13 français, je pense que vous allez faire jeu égal puisque vous évoluez toute l'année avec ces mecs-là. Quels sont les objectifs qui vous ont fixé vos deux coachs? Ben c'est simple, les deux coachs sont beaucoup plus dans le staff et je pense que tous les discours sont les mêmes. Qu'à un moment donné, on ne peut pas sur un terrain de rugby pour faire à peu près bien ou à peu près moins c'est bien. Clair. Nous, voilà, on est clair qu'on cherche une victoire, on cherche à les bouger, à les bousculer, on cherche à leur rendre la monnaie de leur pièce, ce qui s'est passé dans le passé avec des scores un peu élevés, mais à la fois aussi une équipe de France moins structurée. Cette année, la Fédération française de rugby a mis le paquet pour que nous soyons dans les meilleures dispositions. Et on n'a pas le droit de gâcher la fête. Donc je pense que voilà, le message est de gagner le match. Après, on pourra parler de comment, pourquoi et le niveau des joueurs. Mais quand on rentre sur un terrain et qu'on joue rugby à 13, on ne peut pas rentrer qu'à moitié préparé. Donc pour nous, c'est clair qu'il faut la victoire. Vincent, une dernière question avant de te laisser entre les mains de Ludo. Est-ce que le fait d'être maintenant quasi 90% de l'équipe a évolué en Super League, est-ce que justement ça vous aide à vous fixer ce genre d'objectif puisque vous rivalisez toute l'année avec ces mecs-là, particulièrement au Dragon, vous les avez bougés souvent, ces joueurs pris séparément, est-ce que justement ça amène un surplus de confiance et ça vous conforte dans l'idée que vous pouvez les secouer? Tout à fait, ça après c'est grâce au Dragon catalan, grâce à la fédération et tout le travail qui a été fait en amont. Beaucoup de joueurs maintenant ont intégré des clubs de Super League, donc avant on avait beaucoup de joueurs des Dragons et beaucoup après de joueurs d'élite. Maintenant il y a beaucoup de joueurs des Dragons, mais des joueurs aussi de Super League qui viennent se greffer à ce groupe équipe de France. Et je pense que le niveau est élevé. Après on est une équipe jeune, mais qui dit jeune et dit un peu d'insouciance, ça va faire du bien un peu. Mais c'est vrai que le niveau s'est relevé ces quelques années. Et je pense que sincèrement, moi qui ai connu l'équipe de France depuis maintenant presque 10 ans, je pense qu'on a un groupe pour faire une belle performance. Ludo. Que ça soit contre Avignon et à plus long terme aussi, et une Coupe du Monde à préparer. Donc voilà, je pense qu'un groupe jeune et qui évolue pour la plupart en Super League, ce n'est que mieux pour les résultats. Vincent, juste je te coupe avant de te laisser avec Ludo. Oui. Vient d'arriver dans les studios Fred Bissier, tu connais? Oui. Bon, ça va, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que des fois, j'invite les gens. Bon. Allez, bonsoir Fred. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors moi... Oui, Ludo, vas-y. Ouais. Salut Vincent, Jean-Yves, je te trouve un peu pessimiste. Pas trop d'accord avec toi. Parce que moi, je suis à 100% derrière Vincent. Il a un discours qui me ravit. Je veux dire, ces 20 sélectionnés, on a quand même des jeunes qui sont dans des grosses équipes de Super League. On a Kevin Laroyer, on a des joueurs comme Navarrete ou Pélissier qui viennent d'être recrutés par des gros clubs, Navarrete notamment à Wigan, Pélissier qui va aller chez le promu anglais, Deben Garcia qui ont connu le championnat australien, Rémi Casti, Tony Gigot qui fait depuis son départ d'Amignon fait deux saisons éblouissantes. Et moi je pense que ces Anglais, quoi, on va les manger comme des croissants beurre, quoi. Tu as entendu du pessimisme dans mes propos, Ludo, parce que on est à la maison. Je demandais à Vincent quels étaient les objectifs. J'ai pas dit vous allez charger, vous allez prendre 60 points comme vous avez fait avant. Vincent, est-ce que Vincent, contredis-moi, mais est-ce que tu m'as entendu avoir un propos pessimiste ou... Non, pas pessimiste, mais tu t'es posé une question. Je me fais l'écho de ce qu'on entend, Vincent. Mais c'est normal. Après, il faut être clair et la tête sur les épaules. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est des matchs qui sont difficiles à jouer parce que on pourrait croire que les Anglais jouent et eu dans le passé un niveau plus haut que le nôtre, mais je pense que le travail des Dragons Catalans et le travail du rugby à 13 français maintenant sort beaucoup de pépites, donc je pense que mélanger tout ça avec un staff de qualité, moi je pense que les heures de gloire sont devant nous, quoi. Ouais, Vincent, on va te garder, je suis avec Fred Bissière. Fred Bissière, et vous allez, messieurs, vous allez me corriger si je me trompe, oui. Tous les trois, l'équipe de France, pourra revenir un petit peu dans le giron où c'est qu'on était invité par les hémisphères sud, comme l'équipe européenne, comme on l'a fait l'Angleterre, tout ça. Est-ce qu'on a la capacité, Fred, en regardant un petit peu les années qui arrivent, de se retrouver un petit peu invité Je pense que comme le disait Vincent, on sait où on en est. Je pense qu'on a beaucoup progressé, qu'il y a beaucoup de travail. Et je suis bien content d'avoir Vincent, parce que c'est vrai que c'est justement c'est un garçon qui a... Les gars, fait 20 ans, il va te faire re-signer, ce type, fais attention. Ah, mais on l'attend plus tard. Fais attention à ce type. Si jamais il revient dans le coin, il sera le bienvenu, bien sûr. Mais hormis ça, c'est un garçon qui a beaucoup travaillé. Je me rappelle quand il était minime, cadet. Voilà, il aimait l'effort et bon, voilà, ça a payé. Je suis content pour lui qu'il soit arrivé à ce niveau-là. Maintenant, pour tous les autres, bon, je pense qu'il n'y a pas de hasard. On sait que les Anglais, c'est une très très grosse équipe, comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Australie, et que pour le moment, effectivement, si on prend les tableaux, on est en dessous. Voilà, bon, mais après, à nous, on va essayer d'inverser la tendance et à montrer qu'on a beaucoup progressé et qu'on peut arriver à rivaliser avec eux. Vincent, cette équipe de France et le feeling qui entoure cette équipe de France me fait un peu penser à ce qu'on avait connu au début des années 2000, lorsque Mike Aldous était l'entraîneur de l'équipe de France, et où tout le monde justement attendait un bon résultat, et où l'équipe de France avait failli l'emporter face aux Kiwis à Carcassonne. C'est un peu le même, on a l'impression du même enthousiasme et de la même confiance. Est-ce que vous le ressentez, vous, dans le groupe, ça? Oui, moi je le ressens, je m'en souviens, j'étais équipe de France jeune à l'époque, et on m'avait invité à être avec l'équipe de France première pour commencer à former des joueurs, donc je me souviens de très bien de cette ambiance qu'il y avait là. C'est vrai que, à l'époque, pareil, j'étais à deux doigts de remporter les Kiwis, je m'en souviens, j'étais au bord de la pelouse, et c'est vrai que ça manque des matchs comme ça, où l'équipe de France a réussi à faire parler d'elle. C'est le même engouement, mais j'ai le souvenir aussi d'un France-Angleterre à Avignon, alors je ne sais plus quelle année, 2012 je me semble, ou 2011, je ne sais plus, où on perd de très peu en fin de compte, et où il y a match, donc moi je reste bien sûr sur ces matchs-là, et dans ma tête, et pour garder les meilleurs souvenirs, je préfère garder ces matchs-là. Après, l'équipe de France a eu du mal, on peut penser l'année dernière, qui a pris, il me semble, 80 points, mais c'était notre état d'esprit, d'autres dirigeants. Il y avait d'autres problèmes aussi, me semble-t-il. Hein. Ouais, c'est vrai que je reviens à Vincent, hein, qu'il a dit qu'on avait perdu de petits scores, j'y étais, et c'est vrai que moi aussi j'avais eu ce discours en disant les Anglais c'est des ogres, et on va prendre, excuse-moi l'expression, 40 points. J'ai pas eu le même ressenti à la sortie du match. Une défaite certes, mais qui aurait pu sourire à l'équipe de France. C'est possible que demain, samedi plutôt, on va voir peut-être ce scénario, et ça surprendrait tout le monde, et moi ça me ferait plaisir. Ouais, mais moi je dis que c'est possible. Je veux dire, on commence petit à petit à rattraper le retard qu'on a avec pas l'hémisphère sud, parce que on est un peu trop loin d'eux, mais justement ces Anglais, petit à petit, je trouve que le retard se rattrape, on commence à les talonner, ils viennent même, je le redis encore, ils viennent même chercher des Français pour faire jouer dans leur club. Moi je pense qu'il y a quelque chose à faire, et sincèrement, on a eu deux entraîneurs français, on a une belle équipe de France avec 20 joueurs avec beaucoup de talent, des anciens comme Vincent. Moi, Vincent, j'ai une question. Aujourd'hui, tu n'es plus seul. Je dis tu n'es plus seul parce que vous êtes 8 Vauclusiens. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire un peu l'ambiance qu'il y a entre vous, les affinités, tout ça? Ouais, en fait, il t'a dit, quel âge tu as? En fait, ça te fait quoi d'être le plus vieux de tous les Vaucluziens, mais ça, sur le coup, là? C'est ce que j'ai dit. C'est vrai que moi, ça fait un petit moment que je suis que je suis parti, et je suis parti de chez moi. J'avais 16 ans à peu près. Je ne suis pas trop dans les dates. Et c'est vrai que quand on voit des jeunes comme Benjamin Julien, comme comme Chaton, comme voilà. Chaton, c'est Goudemar. Michael Goudemar. Parce que Chaton, il y avait déjà Chaton qui était en train de téléphoner. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça me fait bizarre parce que moi, c'est vrai que je ne les connais pas plus que ça en fin de compte parce qu'ils sont partis assez jeunes de chez moi. Mais voilà, je suis content de voir que voilà que le rugby continue à évoluer sur Avignon et ses alentours. Je pense aussi, enfin, il me semble que Ben Garcia vient de Apt. Ouais, donc ouais. Voilà, c'est bien que Campaca, le rugby continue à sortir des joueurs comme ça. C'est bon pour le rugby à 13 qu'il y ait une diversité, que tous les joueurs ne viennent pas que de l'Aude ou que de la Catalogne, et c'est bien que les Provençaux soient représentés massivement dans cette équipe de France. L'occasion de féliciter Fred Bissière, puisque vous êtes à peu près tous passés entre les mains de ce type, à différents niveaux, soit comme éducateur, soit comme président. Sur les 8 Vauclusiens qu'il y aura, vous êtes quasiment tous passés au SOA, me semble-t-il. Ouais, des passages rapides pour certains. Non, mais c'était, oui, je pense que c'est bien. Ces garçons ont apporté déjà au club du SOA. Je pense qu'on leur a fait confiance. On a essayé de leur donner, pour certains, les moyens d'aller plus haut. Mais écoutez, voilà, c'est un peu le jeu. On est un club formateur, on le sait. On continue de travailler là-dessus. Et ben on est ravis quand on voit ben, le palmarès et l'évolution des garçons, que ce soit Vincent, que ce soit Benjamin Julien. Après, moi, j'ai juste. Je voulais préciser, parce que dans ma présentation. C'est vrai que j'ai fait un an à Avignon. C'est un vœu d'aîné. C'est un vœu d'aîné. À mon ancien club qui est Veden, les Lynx. Voilà, où j'ai toute mon école de rugby là-bas. Donc voilà, si je peux leur faire un petit clin d'œil. Ils sont toujours en course, Veden. Ils sont toujours L'école de rugby qui se reconstruit petit à petit avec Jean-Christophe Lafond. Et notamment Florian Chautard qui avec son fils qui est dans les petits. Là, jusqu'à présent, ils n'avaient que les premiers pas et les pupilles. Cette année, ils ont une équipe de poussins. Donc ça monte. Je me souviens aussi, Morières les Avignons, ça existe toujours. Oui, Morières existe toujours. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai essayé parce que bon, c'est vrai que cette image du 13, qu'on appelle ça, a besoin de beaucoup de clarté, beaucoup de lumière. Hein, moi, j'aimerais, et là, je lance un appel un petit peu à toutes ces chaînes de télévision, là, les Eurosport 2. Ben, le match voilà, sera diffusé là, sur l'équipe 21. Ça, c'est bien, ouais, c'est l'équipe 21. Quoi, hein. Il y avait eu un engagement avec W9. Sur la Coupe d'Europe il y a quelques années. Ouais, c'est ça. Vincent, juste un dernier mot avant de te laisser retrouver tes coéquipiers. Ouais. Ce truc dont on entend parler depuis deux jours, la création de la Coupe d'Europe, enfin du pas de la Coupe d'Europe, de la Coupe des Provinces, raconte-nous un petit peu, tu en as entendu parler toi plus que. Pas plus que ça, je n'ai pas entendu parler parce que moi, déjà vrai, je viens de terminer ma saison de Super League. Ouais. J'ai eu quelques jours de repos, bien sûr. Pas de vacances de repos. Mais j'ai entendu parler, je pense que toutes les idées sont bonnes pour faire évoluer notre sport. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter le rugby à 13, il faut qu'il arrête de se regarder et qu'il faut qu'il prenne de belles initiatives pour créer du spectacle. Donc toutes les idées sont bonnes à prendre. Après, il faudra voir. On va avoir l'occasion d'en parler. À long terme, ça peut rester et créer un engouement pour de plus. Et un événement de plus pour notre sport. Voilà, je prends juste un exemple, Vincent, c'est que vraiment, ça n'a rien à voir avec toi, parce que tu es un joueur de très très haut niveau, on va redescendre un petit peu. Aujourd'hui, on a deux joueurs qui s'appellent Fraro Chouchan, qui jouent en Elite 2 avec Entraigues, et qui jouent à la SBSC à Bédarrides en Fédéral 2. Et ça pose pas de problème aux deux présidents que les joueurs évoluent dans les deux championnats, ce qui donne une valeur ajoutée un petit peu au sport, ça veut dire que... Qui prouve l'attractivité, surtout. Voilà, voilà. Mmh. Que les deux sports sont complémentaires et même efficaces. Et Sobigny Williams, ça n'est la parfaite exemple au niveau mondial. Écoute, de cette image. Je suis désolé, messieurs, je rentre dans le bus pour... Ouais, merci, Vincent, et probablement à samedi après-midi. Et un gros merde pour samedi. Hein. Allez, bon match, Vincent. Voilà, ciao, Vincent. Je ne dirai pas merci. Merci encore de m'avoir invité à cette émission et j'espère que... Le sport et le rugby à 13 en sortira grandi. Avec plaisir. Tous les Vauclusiens. Merci Vincent, à très bientôt. Ça sera fait. Bye, merci, bye. Ouais, Fred Bissière est juste cet amalgame qui me séduit, ouais, parce que bon, moi moi je suis à 200% pour ça. Il y a des clubs anglais qui s'y sont mis, hein. Je veux dire, il y a Leeds qui savoir que Leeds a un centre de formation commun 15-13 où les joueurs évoluent et puis après s'orientent sur l'un ou l'autre discipline, mais des anciens joueurs reviennent à 15 ou à 13 selon ce qu'ils ont fait, où ils ont fait leur carrière. Non, au contraire, je pense qu'on doit, mais c'est, ça c'est le sport en général, on doit mutualiser si on veut avancer. Fred, juste un petit mot sur le match de hier et après on appellera le président de avec Ludo, messieurs, si vous voulez vous parler un petit peu du championnat, ça serait bien. Ah mais je savais pas qu'il y avait eu un match hier. donc pour la petite histoire, le SOA a été défait hier sur le terrain de Limoux. Fred Bissière devait pas y être, je pense, sur le score de 40-20. Défaite logique, Fred, ou... Oui, défaite logique. Bon, j'y étais pas, c'est vrai, mais bon, j'étais en direct au fur et à mesure et j'avais le code tenu du match qui est le déroulement. On a été en dessous de notre niveau, beaucoup trop de fautes. Si on parle un petit peu technique, on n'a pas fini les chaînes. Donc dans notre sport, si on ne va pas au cinquième tenu et qu'on ne va pas dans le canon adverse, on subit. Et quand tu fais que défendre, au bout d'un moment, mais tu craques. Voilà, donc il y a eu beaucoup trop de fautes hier. Ah, oui. Après, Fred, est-ce qu'on peut expliquer cette défaite à l'extérieur par un travelling? Par l'absence notamment d'Olivier et de Mika Non, je pense que là il faut arrêter. On a un effectif. C'est vrai qu'il y a toujours des joueurs qui sont titulaires et donc on attend et on sait qu'ils vont apporter beaucoup à l'équipe. Mais dans la mesure où on part avec un effectif de 25 joueurs, on sait que de toute manière on va tourner, qu'il va y avoir des blessés. Donc c'est pas, je pense qu'il faut pas chercher des excuses là-dessus. Je pense que c'était vraiment, on a failli vraiment sur la partie technique et voilà, on a subi et puis on a perdu à Limoux qui est une grosse équipe. Messieurs, je vous coupe dans votre discussion. On reviendra sur le championnat de France. Priorité au direct. On a le président de la Fédération, Marc. Allô? Oui, bonjour Marc, rebonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Félicitations pour Monsieur Marc Palanque. Monsieur Marc Palanque. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, les Vauclusiens qui ne le connaissent pas, c'est un ancien joueur du Ponté, l'ancien capitaine du Ponté qui maintenant est président de la Fédé depuis le mois de juillet, me semble-t-il. Oui, depuis le 2 juillet, oui. Depuis le 2 juillet, ben d'abord, écoute, félicitations pour cette élection et on voulait t'avoir un petit peu avec nous pour faire un petit peu le point avant ce match sur les projets de la Fédé. Je suis avec Fred Bissière et Ludo Titeux et Fred Damiani. Marc, bonjour. Marc, tes premières semaines à la Fédé, comment ça se passe? Ben, disons que ça a été très difficile. Ça a été un travail quotidien de tous les jours, non-stop, dimanche y compris, pour déjà essayer de comprendre comment les choses fonctionnaient. Pour se rendre compte, je ne vous le cache pas, qu'il y a beaucoup de travail. Et qu'il est difficile de dégager des priorités, parce qu'en fait, il n'y a que des priorités aujourd'hui. D'accord. Du coup, ben, tu enchaînes sur la question que je voulais te poser. Quels sont les chantiers les plus urgents que tu as trouvés et que tu entends mener rapidement? Ben, moi, je considère que je récupère une fédération en lambeaux, tant sur le plan structurel, sur le plan économique que sur le plan sportif. Donc sur le plan économique, moi, j'ai fait un audit financier dès que je suis arrivé qui m'a alarmé. Un audit financier, ce n'est que la projection de ce que vous envisagez pouvoir être la réalité au travers des documents que vous pouvez récupérer, mais ça reste subjectif puisque ça peut pas avoir un vrai reflet comptable puisqu'on n'a pas forcément à disposition et accès à toutes les pièces. Là, ça y est, donc le bilan est en train de prendre forme. Et donc toutes mes craintes étaient justifiées, donc la fédération va présenter un certain déficit, on va dire. D'accord. Financier. Ouais. Voilà, ça c'est pour le côté financier, donc urgence de rétablir les finances. Mais là, de ce côté-là, vous savez qu'après mon passage au Ponté, j'ai créé mon entreprise quand je suis revenu à Carcassonne, donc côté gestion d'entreprise, je pense avoir les compétences nécessaires pour... vite remettre le bateau sur les rails. Il y a tellement eu un manque de bon sens dans la gestion et de compétences que en actionnant des leviers simples, je pense qu'on va pouvoir arriver rapidement à retrouver au moins des finances saines, quoi. Je dirais pas positives, enfin, des plus positives, mais au moins saines. Donc ça, c'est une priorité. La priorité aussi, c'est de trouver des soutiens financiers, des sponsors. Donc là, comme vous le savez, ce match, j'ai réussi donc à bénéficier du soutien de Louis Nicolin. Donc c'est une première avancée majeure. C'est dans ce sens qu'il faut qu'on travaille donc pour pouvoir refaire renaître de ses cendres notre sport. Sur le plan sportif, vous le savez comme moi, hein, aujourd'hui, on a un championnat élite qui n'est pas d'un très haut niveau, qui n'est pas très attractif parce qu'il est situé tout au sud de la France. Ça, je peux vous garantir, pour avoir été longtemps en collaboration avec les patrons des marques internationales de sport, ça ne les intéresse pas parce qu'on est un sport trop régional, donc et pas assez représentatif. Donc il est urgent qu'on retisse la toile sur la France et au travers de grandes villes pour pouvoir donc faire un championnat de France avec des villes majeures qui permettront aux sponsors de se reconnaître dans la crédibilité pour justifier de leur investissement. Et sur le plan sportif, vous savez ce qui s'est passé, le dernier match France-Angleterre en Angleterre, hein, on a pris 84-4, on n'a jamais pris une rouste pareille dans notre histoire. Là, on a ce match à Avignon. Je ne vous cache pas que ce match n'arrive pas à point nommé. C'est pas un match qui a été organisé par mon équipe. Hein. Nous avons assumé cet engagement de l'équipe précédente. Je l'ai surtout assumé par rapport au SOA, parce que c'est le centenaire du SOA, c'est un grand club, et il me paraissait important pour eux qu'ils soient adossés à un grand événement sportif. Maintenant, sur le plan sportif, on a de la casse, on n'a pas forcément un effectif très pléthorique, donc dès que vous avez un peu de casse, vous n'avez pas la meilleure équipe qui soit. Je vois que les Anglais arrivent avec, comme ils font d'habitude, avec leur écurie au top. Donc je crains pour ce match, quoi. Je fais confiance aux joueurs. Vincent Duport, qu'on avait il y a 2 minutes, nous disait que lui, par contre, il était plein de confiance. Ouais. Mais les gars sont bien, mais après je crois que dans la vie il faut être optimiste, mais il faut pas être non plus aveugle, quoi. Ça va être très très dur. Moi j'y suis passé par là, j'y ai joué, je sais qu'est-ce qui les attend, quoi. Hein. Donc les gars, on s'est parlé. Moi j'ai parlé avec les joueurs, hein. Je leur ai parlé comme un capitaine d'équipe, pas comme un président. Hein. Moi je suis assez proche d'eux, je leur ai dit ce que j'attendais d'eux, je leur ai dit ce qu'ils pouvaient attendre de moi. Je crois qu'entre nous les choses sont claires, que le courant est bien passé. On va arrêter de parler de sélection, on va parler de Club France, ils vont se réunir tous les mois, on va travailler ensemble, on va apprendre à se connaître, à s'apprécier, à développer de la complicité pour justement dans ces moments difficiles, ces matchs durs, avoir ce supplément d'âme qui va nous faire passer et nous permettre de nous accrocher plus encore pour essayer d'avoir le score le plus flatteur possible à la fin de la rencontre. Mais Avignon pour moi, c'est l'objectif, c'est un esprit commando. Il faut faire un bon match. Je veux qu'ils me montrent qu'ils aiment le maillot bleu blanc rouge et qu'ils le mouillent vraiment. Ça, c'est l'objectif, un objectif à court terme, surtout effacer ce 84-4. Comme vous le savez, j'ai réussi à faire téléviser le match par l'équipe 21. C'est le prémisse de nouveaux accords avec la télé. J'ai aussi une autre chaîne télévision qui nous suivra, qui m'a déjà garanti 3 autres retransmissions. Donc, comme vous voyez, on travaille beaucoup pour redonner aux 13 son lustre en temps. Seulement, pour ça, il faut que les stades soient pleins quand on passe à la télé. Et je sais que le SOA s'est défoncé pour que ce soit le cas. Et après, il faut pas prendre à 100 points, quoi. Donc, c'est toujours pareil, ça. C'est donc un peu anxiogène, tout ça. Mais bon, je fais confiance aux joueurs. Le match est télévisé, le stade sera plein. Je pense que ça annonce un renouveau. Un petit mot, Marc, excuse-moi Ludo, sur la nouvelle Coupe des Provinces dont tu as annoncé la création. Oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, l'idée avec Mathieu Kedimi, on réfléchit, puisque Mathieu, vous le savez, c'est mon vice-président, mais c'est aussi de la fédération, non, et c'est aussi le président du département au niveau, puisque j'ai organisé toute la structure fédérale au niveau du travail, au travers de grands départements, et dans ces départements, il y a des commissions spécifiques qui travaillent. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les gens travaillent vraiment sur des sujets spécifiques, soient compétents, précis, et force de proposition, de manière à ce qu'ensuite les présidents de département et les présidents de la fédération puissent valider donc ces projets. Je ne veux plus qu'à la fédération française, tout le monde s'intéresse à tout et que personne ne soit responsable de rien. D'accord ? Donc, concernant le haut niveau, on a réfléchi avec Mathieu. Et donc, l'idée, c'est déjà, bon, vous le savez, bon, il y a eu un petit couac la semaine dernière parce qu'on amène des nouveautés, donc il y a toujours un temps, des fois, d'adaptation, mais il n'y a plus de match nul. Maintenant, quand il y a match nul, il y a prolongation. On essaye déjà de transformer les règles pour amener plus de spectacles sur le terrain. Donc, ça passe aussi par l'idée de savoir comment on va dynamiser notre rugby au travers d'éventuelles nouvelles compétitions. Donc là, pour le coup, et sans parler de nouvelles compétitions, on se rapproche un petit peu de ce que se fait en Australie, c'est-à-dire en origine. Alors, donc, nous, l'idée, c'est de couper la France, non pas nord-sud, mais par la moitié, est-ouest, en prenant soin de bien séparer Audois et Catalan, pour garder, l'intérêt ancestral de ces rencontres majeures entre ces deux régions. Et donc, ça vous fait donc une France Est, une France Ouest. Ça va permettre de faire deux sélections, deux équipes. Chaque équipe rejoindra le côté de la France où il a signé sa licence étant petit, sa première licence. D'accord. Vous comprenez ? Président. Je prends l'exemple de Vincent Dupont, je sais qu'il est d'Avignon, mais imaginons qu'il ait commencé un jour à Toulouse, et bien là, il reviendrait il jouerait dans la sélection du côté ouest de la France. D'accord. Mais si on va juste faire le match, ça va nous permettre quoi ? Ça va nous permettre, et à Mathieu aussi, ça va nous permettre, donc aux entraîneurs de l'équipe de France, au DTN, de faire un brassage de joueurs de haut niveau pour nos équipes de France futures, et de pouvoir mesurer un petit peu nos forces. Créer de l'intérêt à une nouvelle compétition, donc ça sera deux matchs, mais deux matchs qu'on espère des matchs très très durs, très très spectaculaires. Le premier, on a pensé donc le faire en ouverture d'un match, d'une belle affiche, de match de la saison prochaine du TO en Championship contre un club anglais. Et le second match, donc la revanche, en ouverture d'une belle affiche Dragon Catalan contre un club anglais, excusez-moi, de Super League, exemple Wigan. Et ces deux matchs se feraient dans des matchs délocalisés, de manière à pouvoir accueillir un maximum de public. Et donc ce dernier match, on va dire, cette finale du State of Origin, se jouerait donc après les deux finales de la Coupe de France et du championnat de Marc. France. Marc, oui. Juste, président, j'aimerais juste revenir un petit peu. Votre élection est fraîche, on va dire, puisque vous venez de prendre le pouvoir du rugby à 13. Combien de temps le mandat est de renouvelable? Le mandat est de 4 ans. Dans 4 ans. En 4 ans, vous pensez aujourd'hui aboutir à tout ce que vous nous avez annoncé? Parce que vous n'avez pas annoncé grand-chose, mais c'est déjà énorme. Je reviens un petit peu en arrière sur le développement du rugby à 13, ce qui amènerait bien sûr une image plus que positive au niveau de la France. Quel travail sera... Est-ce que déjà vous avez des orientations de travail sur, on va dire, le nord de la France, qui est toujours un petit peu pénalisé par ces sports? Pour répondre à votre question, moi il y a 3 mois que je suis là, déjà au bout de 10 semaines on avait l'accord de la chaîne télé, on a signé avec Louis Nicolin, j'ai gardé des sponsors qui devaient nous quitter. Bon, il y a des choses quand même qui se font et je m'aperçois quand même qu'il y a un intérêt. Enfin, je ne sais pas, cette élection elle a provoqué un certain intérêt et ça me rassure un peu, quoi. Je sens qu'on a une fenêtre de tir. Pour répondre à votre question, et comme je vous l'ai dit précédemment, à la Fédération française, il n'y a plus personne qui s'occupe de tout et qui est responsable de rien. Donc quand je parle de développement et de reconquête pour la France, il y a bien sûr un département développement. Ce n'est pas une idée en l'air. Le président du département développement, c'est Vincent Blériot, qui est de l'Aix-en-Provence, qui est procureur de la République de son État, qui est quelqu'un... à la fois adorable et de très compétent. Donc l'idée, ce que je leur ai demandé, moi, c'est de faire un outil tout simple, de faire un tableau Excel, là vous allez voir, on va prendre des exemples qui vont vous faire comprendre de suite, de savoir la première colonne partout où le rugby à 13 s'est déroulé en France. Marc, joue en France. Marc, est-ce que Marc... Carcassonne. Carcassonne, il s'y est joué. La colonne à côté, est-ce qu'il s'y joue toujours? Oui. Dans la première colonne, on va mettre le Pontet. Est-ce qu'il s'y joue toujours? Non. Donc là, il s'y joue plus, mais je sais, moi. Et Marc, que là, vous Marc, êtes Marc, Marc, Marc, excuse-moi, on va être obligé de Marc, te couper une petite seconde parce qu'on a un décrochage de pub urgent. D'accord. On te reprend dans une petite seconde. Tu peux D'accord. rester avec nous? Okay. Merci. Allez, on va vite revenir avec le président et surtout Jean-Yves, pour du rugby à 13. Oui, Marc, est-il possible qu'on puisse en parler samedi de tout ça, de tous ces projets? Parce que c'est fort intéressant pour nous. On aimerait par exemple pouvoir t'avoir samedi pendant 10 minutes, un quart d'heure, si tu pouvais nous accorder quelques minutes avant le match ou après. Si Je sais pas comment ça va se passer. Écoute, déjà avant le match, bon, j'ai des réunions, avant le match, j'en ai après le match, j'en ai le lendemain matin. Donc j'ai peur que ce soit compliqué. On essaie quand même de se. Oui, j'ai pas de frein à ça, mais il faut que ça se présente, quoi. Voilà. Mais on reviendra vers Marc Palin, campus est de chez nous, et c'est vrai que moi je l'ai vu évoluer sur ce maillot. Est-ce que je peux lui parler, messieurs? Oui, messieurs. Est-ce que je peux lui parler? Oui. Vas-y, Marc, c'est Ludovic. Salut. Je voulais revenir sur juste un point. Tu parles d'une fédé reprise en lambeau, ça j'arrive à le comprendre. Maintenant, on a eu Vincent Duport au téléphone. Moi qui étais joueur, il a tenu un discours et avec Jean-Yves, on s'est regardé. Dommage que je me rase maintenant les bras, mais il m'a filé les frissons. On sent dans son discours quelque chose de posé. On sent aussi derrière ce qu'il dit une équipe de 20 sélectionnés qui savent où ils vont. On sait quelle équipe ils vont affronter, on sait que ça va être rude. Me permets-tu de te dire, est-ce que le départ de cette nouvelle fédération ne viendrait pas par eux? Surtout que vous allez jouer sur une terre de province où à chaque fois que l'équipe de France a joué, il y a eu énormément de monde et elle a su tirer profit de cette rencontre. Ben, moi, c'est ce que tu dis, c'est vrai. La dernière fois que je suis venu à Avignon, moi, je jouais avec l'équipe de France, en Coupe du Monde en 86, on avait fait 10-10 contre eux. Donc je sais que c'est jouable. Ça arrive pas au meilleur moment, ce match. Voilà ce que je veux dire. Ouais, ça, on le comprend, mais à travers son discours, on sent qu'ils sont déterminés, que même oui, si... Oui. Bon, mais parce que, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, on a fait déjà un stage il y a 10 jours, on a appris à se connaître, on s'est parlé, je crois qu'ils ont compris qu'on était tous alignés. Ils ont senti qu'ils avaient un président qui avait de l'ambition. Comme je le dis à mes élus, comme je le dis aux joueurs et comme je vous le dis à vous, je ne veux plus, je n'accepte pas qu'au niveau de la fédération française, on se considère en interne comme étant une petite fédération. Oui, oui. Et je n'accepte pas que de l'extérieur, on nous considère comme une petite fédération. On va se battre pour ça. En même temps, il va falloir gagner ces galons, cette reconnaissance. Bien sûr. Donc les joueurs, je leur ai parlé de ça. Ils se sont rendus compte quand même qu'ils ne sont pas pris pour des billes et qu'ils sont énormément respectés et considérés. On a fait un staff comme il n'y en a jamais eu. Là, vous avez 10 personnes dans le staff et vous avez 20 joueurs. Il y a un encadrant pour 2 joueurs. Donc, croyez-moi, on a des ambitions et on essaye de souvenir les Merci. Ambitions. Merci, on n'en doute pas. Voilà, donc je pense que Vincent, qui est un garçon que je connais peu, mais qui me paraît très bien structuré et très sain, je vois qu'il a bien compris le message. Et c'est sûr que c'est grâce à ces garçons, Vincent Duport, oui. Rémi Castille et d'autres, qu'on va pouvoir y arriver, quoi. Merci pour ces premiers propos, président. Merci Marc Palanc. On espère vous voir au Parc des Sports. On espère vous avoir au micro quelques minutes après une belle victoire. Moi, écoutez, je suis chauvé. Merci encore, Marc Palanc. Merci le président. Merci Marc. Samedi. Président de la Fédération française de rugby à 13. On est avec Fred Bissière. Fred, on t'a pas trop vu. Toi aussi, tu rentres un petit peu dans le cadre aujourd'hui de cette fédération? Bon, écoute, c'est normal qu'on soit derrière le nouveau président. Il arrive avec des nouveaux projets, avec de l'ambition. Je crois qu'il a quand même présenté une partie de ce qu'il veut développer. Je pense qu'il sait qu'il y a beaucoup de travail, il s'en rend compte. Peut-être qu'il ne savait pas qu'il y en avait autant en arrivant. Mais voilà, c'est normal qu'on soit derrière lui maintenant. C'est vrai qu'on sait que la fédération est à développer, on sait que l'équipe de France doit faire des progrès, on sait que voilà, on est un sport, pour le moment, ce qu'on appelle des sports mineurs. Bah, c'est à nous à être meilleurs pour justement pour sortir de ce tournier-là. Fred, est-ce que toi tu aurais des réponses à justement à cette fédé en lambeau qui, comme il peut l'exprimer, ou toi non plus tu t'attendais pas à des tels propos de Marc et tu restes? Non, mais je pense que je pense que Marc se retrouve devant beaucoup de travail, donc c'est vrai que il a l'impression que il est en bas de la montagne et qu'elle est haute, il va y avoir une grande marche à faire, voilà, il n'y a pas tellement de solutions, il y a beaucoup de travail et c'est, j'espère qu'il va s'y atteler et je pense qu'il est motivé pour ça. Alors messieurs, c'est la fin de l'émission. Je suis vraiment désolé, mais on fera pas de cadeau, il est 20h, c'est le direct, c'est comme ça, la radio continue. On a eu Fred Bissière, peut-être le dernier mot pour non, Didier, ce sera pas toi cette fois-ci. Non, c'est mon tour ce soir. Moi, Didier. Moi je suis à fond derrière, de toute façon je suis à fond derrière tous les projets qui permettront à mon sport de se développer, ouais. À mon sport de grandir, à mon sport d'avoir de la visibilité. Je suis à fond derrière Fred qui fait un boulot fantastique. Fred, tu reviendras, hein, parce qu'on n'a pas vu. Ah oui, je connais bien les chemins, ouais. Didier, je tiens juste à dire le bonjour à un grand trésiste qui était au SOA et en équipe de France, à André Ferrin. Alors moi je vais terminer juste pour vous dire, messieurs, Mathéo, hein, je te fais bisous. On sera en direct samedi à partir de 17h30 du Parc des Sports et on reviendra parler du 13 jusqu'à pratiquement 20h ou 21h. Sachez que la prochaine émission de Top Chrono, on recevra Florian Bernardi et son père pour le 13e rallye de Sarrian, et Florian Bernardi qui retrouve un volant, il sera sur 208 R5 et il vient pour gagner ce rallye de Sarrian. Je peux vous assurer, il va y avoir du spectacle. C'est pour lundi prochain, messieurs, merci, bonsoir. Merci Fred. Bonsoir. Bye bye. Bonsoir à tous. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Bélussi, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.bélussi.fr.